Lettre 52e. Le palais de justice, la statue de Malesherbes, la sainte chapelle, souvenir du lutrin, les reliques, le procès de Jeanne d'Arc, celui de Madame de Brinvilliers. Il y a une quinzaine de jours que nous fîmes inutilement le voyage de la cité, dans l'espoir de visiter la sainte chapelle, bien sainte en effet, aux yeux de tous les bons catholiques, ayant été construite par Louis IX, Saint-Louis, exprès pour recevoir toutes les admirablement saintes reliques achetées par ce roi, de Baudouin, empereur de Constantinople, et presque aussi sainte aux yeux de nous autres hérétiques, pour avoir été le théâtre du poème de Boileau. Notre espérance fut cruellement déçue, quand plusieurs personnes attachées au palais de justice auquel nous nous adressâmes nous eurent assuré qu'il n'était pas possible d'en obtenir l'entrée attendu qu'on s'y livrait à de grands travaux, et qu'il fallait nous contenter de jeter un long et douloureux regard sur sa belle et noble façade. Si notre désappointement dans cette occasion avait été grand, notre satisfaction ne fut pas moins vive quand une personne dont nous avons fait depuis peu la connaissance offrit de nous faire voir le palais de justice et de nous introduire dans cette sainte chapelle qui, à vrai dire, en fait partie. Un heureux hasard m'avait procuré l'avantage d'être présenté à M. J., qui nous a fait voir non seulement ce monument, mais encore bien des choses auxquelles sans lui je n'aurais jamais pensé. Aussi regardais-je ce hasard comme une des circonstances les plus heureuses de mon séjour à Paris. Je n'ai jamais rencontré personne dont la liaison fût aussi instructive, et je n'ai certainement jamais reçu d'aucun étranger tant d'aimables et de profitables attentions. Je crois, en vérité, qu'il a un passe-partout qui lui ouvre tous les lieux les plus intéressants de Paris et de l'accès le plus difficile. Occupant une place élevée dans la magistrature, le palais de justice lui est, comme de raison, ouvert jusque dans ses recoins les plus cachés. Et de toutes les matinées que j'ai passées à parcourir des lieux intéressants, la plus agréable a été sans contredit celle où cet homme si instruit et si obligeant m'a fait voir cet édifice remarquable en accompagnant de ses commentaires chaque endroit où nous nous arrêtions. Je n'éprouve qu'un seul regret d'avoir fait la connaissance de cet homme, c'est la pensée qu'en m'éloignant de Paris, ce sera de lui aussi que je m'éloignerai. Le palais de justice est déjà, par sa seule étendue, un fort beau monument, mais sa haute antiquité et les nombreuses époques de l'histoire qu'il rappelle en font en même temps un des édifices les plus intéressants qu'il soit possible d'imaginer. Nous entrâmes dans toutes les cours, dont quelques-unes nous parurent être en pleine activité. Les salles sont en général vastes et belles. Le portrait de Napoléon avait été replacé dans l'une d'elles pendant les 3 journées et il y est encore. Le vieux chancelier d'Aguesseau est en face de lui, et son portrait est du petit nombre de ceux qu'on a laissés en place. Les emplacements vides, quelques-uns desquels offrent des traces de violence, font connaître assez clairement que cet antique édifice ne fut point respecté par les patriotes de 1830. La fureur capricieuse du peuple souverain pendant ce règne de confusion, si ce n'est de terreur, a laissé des vestiges dans presque toutes les parties du bâtiment. Le bas-relief si intéressant que je me rappelle d'avoir vu sur le piédestal de la belle statue de Malesherbes, l'intrépide défenseur de Louis XVI, a été arraché et la maçonnerie brute qu'il recouvrait offre un emblème aussi juste des spoliateurs que ce beau morceau de sculpture de la scène qu'il représentait. M. J. m'assura que ce bas-relief n'a point été détruit et qu'il sera probablement replacé. Je désire sincèrement pour l'honneur des Français que cela ait lieu, mais si mon attente était trompée, je voudrais que le piédestal restât dans l'état mutilé où il se trouve maintenant. Ce serait une utile instruction pour la postérité et qui servira mieux que toute autre chose à marquer l'époque. Mais ce furent les parties les plus obscures de l'édifice qui m'offrirent le plus d'intérêt. Afin de nous rendre par un chemin plus court vers un endroit que notre aimable guide devait nous montrer, nous passâmes par une des plus anciennes tours de ce vénérable monument. Elle renfermait, je crois, les cuisines de Saint-Louis, et vu l'énorme épaisseur des murs, je ne serais pas étonné qu'ils ne fussent en état de braver encore 6 siècles de plus. Dans une des nombreuses pièces dans lesquelles nous entrâmes, nous vîmes un vieux tableau fort curieux, pris sur les jésuites pendant le règne de Louis XV et que l'on regarde comme renfermant la preuve de leur perfide dessein contre les rois. Il faut convenir que ce n'est pas à tort. On y voit des personnages frappants de ressemblance avec les rois Henri III et Henri IV, en route pour les régions infernales. La disposition générale de ce tableau en fait une des inventions les plus curieuses du génie jésuitique. Après avoir satisfait à loisir notre curiosité dans le palais, nous nous rendîmes à la chapelle. Elle est d'une exquise beauté et si parfaite dans ses délicates proportions que l'œil satisfait s'arrête avec un plaisir inexprimable sur l'ensemble assez longtemps avant que le jugement soit en état d'en examiner et d'en critiquer les différentes parties. Mais même après que ce premier effet est passé, l'élégance parfaite de cette belle miniature captive l'esprit et produit un degré d'admiration peu proportionné à ses petites dimensions. Cette chapelle avait été construite pour y déposer des reliques, et l'habile architecte, Pierre de Montreuil, paraît en effet avoir eu en vue plutôt d'en faire une châsse riche et élégante que de lui donner la noblesse et la dignité d'une église. La chapelle de Saint-Georges à Windsor, cette jolie petite cathédrale, est un énorme édifice en comparaison de celui-ci, mais moins léger, moins vaste dans ses proportions, en un mot, moins enchanteur dans son effet général que l'aimable bijou de Saint-Louis. La plus cruelle et la plus impardonnable de toutes les profanations dont j'ai jamais entendu parler est d'avoir changé ce chef-d'œuvre d'architecture en un dépôt de vieilles archives. Comme si la ville de Paris ne pouvait pas fournir quatre murs et un toit pour cet usage sans y consacrer cette précieuse châsse. C'est une pitoyable économie, et si j'étais archevêque de Paris, j'assiégerais les Tuileries de pétition jusqu'à ce que ces hideuses armoires fussent enlevées. Et s'il n'était pas possible de rendre cette église au culte, je voudrais au moins que l'on pût dire « La Sainte-Chapelle conservait du vieux temps l'oisiveté fidèle ». La longueur de ce joli reliquaire est exactement égale à sa hauteur, qui est partagée par une galerie en une église inférieure et une église supérieure, ressemblant ainsi en quelque sorte à la cathédrale bien plus antique d'Aix-la-Chapelle. Le haut minster de cette dernière étant représenté ici par la Sainte Couronne. Comme nous nous trouvions au milieu de la nef, M. J. me montra du doigt certains lieux en disant « Et bientôt le lutrin se fait avoir à nos yeux. » Il me plaça précisément à l'endroit où se trouvait jadis ce sujet d'une guerre si acharnée. Et je ne pus m'empêcher de penser que si le pauvre chantre trouvait le lutrin aussi laid que moi les ignobles armoires remplies de vieux parchemins, il avait parfaitement raison de faire tout ce qui dépendait de lui pour le faire disparaître. C'est ici que repose Boileau. C'est sans doute à cause de la liaison qu'il a su établir dans l'esprit de tous les hommes entre sa personne et ce saint lieu que l'on a voulu qu'il y fût enterré. Mais il faut avouer que jamais alliance aussi gaie ne fut consacrée par un aussi grave résultat. La conservation des beaux vitraux peints, qui ont bravé deux révolutions si destructives l'une et l'autre pour des édifices voisins, et avec elles toutes les chances diverses qui menacent naturellement un si fragile trésor, est vraiment miraculeuse. Et vu l'extraordinaire sainteté du lieu, les fidèles regardent sans doute en effet cette conservation comme un miracle. On voit une preuve de la haute vénération que l'on avait pour ce petit temple, apparemment à cause des reliques qu'il renfermait, dans la sainte rivalité que les rois et les papes ont montrée à l'envi en le douant de biens et de privilèges. Il paraît que la richesse de ses fonctionnaires dépassait de beaucoup les bornes de la modération chrétienne, et nonobstant la petitesse de leurs états, ils soutenaient leur dignité par des titres et des prérogatives dont jamais chapelain n'avait joui avant eux. Le principal dignitaire de ce chapitre portait le titre d'archi-chapelain. Et en 1379, le pape Clément VII lui permit de porter la mitre et de bénir le peuple toutes les fois qu'il s'assemblait pendant les processions qui avaient lieu dans l'intérieur du palais. Non seulement cet archi-chapelain prenait le titre de prélat, il existe encore des actes dans lesquels il est traité de pape de la Sainte-Chapelle. Pour prix de tant d'honneur et de richesse, quatre d'entre les sept prêtres qui composaient le chapitre étaient obligés de passer la nuit dans la chapelle pour veiller sur les reliques, ce qui n'empêcha pas que l'année 1575, dans la nuit du 19 au 20 mai, on ne vola une partie de la vraie croix. À la vérité, on soupçonna que le voleur était le roi Henri III lui-même, qui, se trouvant dans un grand embarras d'argent, et sachant par expérience que le commerce des reliques était un commerce vraiment royal, crut pouvoir mettre cette vraie croix en gage auprès de la République de Venise. Quoi qu'il en soit, il est certain que ce fragment précieux disparut de la Sainte-Chapelle et que vers la même époque, un morceau de la vraie croix fut engagé aux Vénitiens par le roi Henri III. Je crois devoir, pour votre satisfaction, transcrire d'après Dulaure une liste des objets les plus sacrés pour la conservation desquels cette chapelle fut construite. Du sang de notre Seigneur Jésus-Christ, les drapeaux dont notre Seigneur fut enveloppé en son enfance, du sang qui, miraculeusement, a distillé d'une image de notre Seigneur ayant été frappé d'un infidèle, la chaîne et le lien de fer en manière d'anneau dont notre Seigneur fut lié, la sainte nappe en un tableau, du lait de la Vierge, une partie du suaire dont il fut enseveli, la verge de Moïse, les chefs des saints Blaise, Clément et Simon. N'est-il pas étonnant que l'empereur de Constantinople ait consenti à se défaire de si précieux trésors pour un peu d'argent? Je voudrais bien savoir ce qu'ils sont devenus. Dans l'année 1770, on célébrait encore dans cette chapelle, le jour du Vendredi Saint, la cérémonie d'exorciser les personnes possédées du démon. La formule était très simple et réussissait presque toujours. Aussitôt que tous les démoniaques étaient rassemblés, le grand chantre paraissait portant une croix, laquelle, en dépit de la supercherie du roi Henri, renfermait, dit-on, un morceau de la vraie croix. Et à l'instant même, toutes les contorsions et toutes les convulsions cessaient. Les possédés devenaient parfaitement calmes et tranquilles et étaient délivrés de toute espèce de souffrance. Ayant vu tout ce que cette jolie chapelle renfermait de remarquable, et ayant particulièrement examiné la place illustrée par la fameuse bataille des Livres, le passe-partout de M. J. fit ouvrir une petite porte mystérieuse dans la Sainte Couronne, et après avoir monté quelques marches assez rudes, nous nous trouvâmes sur le toit du palais de justice. L'énorme espace qu'occupe au-dessous la salle des pas perdus est divisé ici en trois galeries, ayant chacune la même longueur que cette salle et le tiers de sa largeur. La manière dont ces galeries sont construites est extrêmement curieuse et ingénieuse. Elles méritent bien un soigneux examen. Je ne me suis jamais trouvé dans un lieu plus intéressant. L'énorme collection d'archives qui remplissent ces galeries, toutes rangées dans l'ordre le plus parfait, offre un des spectacles les plus merveilleux que j'ai jamais contemplés. Au milieu des archives de tant de siècles, on s'est trouvé en un instant la pièce la plus ancienne ou la moins importante. Notre obligeant ami nous fit voir le volume qui contenait les pièces originales concernant le procès de l'infortunée Jeanne d'Arc, la plus maltraitée de toutes les héroïnes. Jamais le vice ne brave le danger et ne reçoit la mort avec un courage aussi intrépide qu'elle. On nous fit voir le fatal arrêt qui légalisa l'assassinat de cette vaillante et innocente fanatique. Plusieurs autres arrêts de mort de personnages célèbres nous furent montrés. Dans le nombre, il y en avait quelques-uns de fort anciens, mais aucun d'eux n'était signé par une main royale. Ce pénible devoir est rempli en France par un des grands officiers de la couronne, jamais par Sa Majesté en personne. Nous vîmes ici le curieux procès de la coupable marquise de Brinvilliers, la fameuse empoisonneuse qui non seulement fit mourir son père, son frère et son mari, à l'instigation de son amant, mais qui paraît encore avoir employé le talent qu'elle possédait pour composer des poisons dans plusieurs autres occasions. Les atrocités commises par cette femme n'ont jamais été égalées, si ce n'est par celle de Marguerite de Bourgogne, l'inconcevable héroïne de la Tour de Nesle. M. J. me raconta à cette occasion une singulière anecdote d'un Anglais à qui il faisait voir, il y a quelques années, ces mêmes documents. Dans le nombre se trouvait la recette de Madame de Brinvilliers pour la composition du poison dont les effets répandirent tant d'horreur à Paris. « Me permettriez-vous de prendre une copie de cette recette ?» demanda l'Anglais. « Je ne crois pas que mes droits s'étendent jusque-là, » fut la réponse, sans laquelle l'amour de notre compatriote pour les sciences chimiques aurait peut-être contribué à répandre sur toute la terre la connaissance de ce précieux secret.